Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Donc, merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CIFA B Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMR Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie, en Ontario. Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci de diffuser l'émission. Et bien sûr, commentaires, suggestions, même contact d'artistes francophones, vous m'envoyez ça à Canrock. cdnhockeymercial@gmail.com. Voilà. Allons-y avec la deuxième partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario. Et ça commence avec M. Mehdi Cayenne, qui est de retour de France. Mais, on ne s'assit pas sur ses lauriers parce qu'on a connu un bon succès en Europe. Non. On s'en va retravailler, si vous voulez bien, du côté de l'Abitibi. Au festival le FME, Festival de musique émergente d'Abitibi-Témiscamingue. Il sera là le 31 août prochain, Mehdi Cayenne. Et on va entendre la pièce La pluie dans quelques instants. Par la suite, on va entendre Mme Mélissa Ouimet, qui, elle, sera le 28 août, 23 et 28 août à Saint-Jean sur le Richelieu. Quelques spectacles de ce côté-là, et ainsi que le Festival des Montgolfières de Gatineau le 1er septembre. Crois-tu vraiment que je pense encore à toi? Mais où on s'est vu déjà? Sans perdre pied, j'ai défilé et j'ai eu le choix. L'amour ne s'attache pas, ne s'avoue pas comme autrefois. Tu peux baisser les bras. Tant que tout nous rend nos entre nous, j'ai déjà changé les draps. Mais où on s'est vu déjà? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous là? À quoi tu joues? C'est une partie que tu ne gagneras pas. Super, mais c'est pas. De mes rêves, on est. a terminé notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec tout simplement Georgian B et la pièce Océan tirée de leur album Courage volume 1 Sun ou Soleil. Et à l'automne, il y aura un volume 2 Moon qui sera des chansons plus mollo, toujours folk, mais un peu plus mollo, un peu plus lente, un peu plus automnal, si on peut ainsi dire. Georgian B qui est un groupe ontarien. Un groupe bilingue avec Joel Westman qui est anglophone de London et aussi Kelly Lefebvre qui est francophone de la région de La Fontaine près de Penetanguishene en Ontario. On va poursuivre, si vous voulez bien, avec le bloc instrumental. Et cette semaine, c'est un doublé d'un artiste que moi, je connais bien parce qu'il a fait partie de plusieurs groupes dans la région de Penetanguishene. Mais il est gradué, il vient de graduer avec une maîtrise en interprétation jazz. C'est Étienne Beausoleil. Étienne Beausoleil, qui est un contrebassiste, qui, comme je vous dis, a joué avec plusieurs groupes dans la région de Penetanguishene. Eh bien, il a dû, pour avoir sa maîtrise, écrire un album et en faire une performance devant public. Et ça s'est fait là au mois de mai. Et il est gradué de McGill, qui est quand même une école, une université assez reconnue pour des musiciens jazz ou musiciens tout court, comme Brass Camarade, entre autres. On va entendre deux pièces, soit Persévérance, qui est la pièce titre de son album, et Line Drive. Voici Étienne Beausoleil.